Chapitre 2. Un singulier voyageur. Une certaine après-midi de l'année 1849, les pseudo-fashionables, partant journellement pour Windsor et l'Ouest, furent appelés à diriger les verres de leur monocle sur un assez étrange voyageur, qui venant, on ne savait d'où, apparut sur le quai de la station de Paddington. Et cependant, il n'y avait dans cet homme rien de très remarquable, sinon sa présence sur le quai de Paddington. Au pont de Londres, on peut voir ses pareils tous les jours de l'année. Très brun de peau, ce personnage portait, par-dessus son vêtement de drap noir, un surtout assez semblable au poncho mexicain. Sa coiffure, à bord large, se terminait en pointe et procédait en droite ligne de Calabre, on en pouvait douter. Tel était l'individu sur lequel s'étaient instantanément dirigés les élégants lorgnons des touristes. Un moment après, il s'engouffra dans le compartiment d'une voiture de première classe. Arrivé à Slough, le voyageur attendit que tous les voyageurs fussent sortis, puis s'élançant hors de la voiture, tenant en main un petit porte-manteau, il se mit immédiatement en communication avec le chef de gare. Entre ces deux hommes, il existait un contraste assez frappant, que le plus indifférent des voyageurs, musant sur le quai, y fit attention. Deux extrêmes, l'un positif, l'autre négatif, que l'on s'imagine une colossale statue, surmontée d'une tête véritablement saxonne, faisant face à un spécimen diminutif de la race latine. Le hasard voulut que je me trouvasse en ce moment sur le quai attendant le train descendant. La singularité de ce tableau me frappa tellement que, cédant à une involontaire impulsion, je m'approchai de façon à savoir ce que le petit homme, noir au poncho, avait à dire au géant, en habit vert et à boutons dorés. Le premier mot qui me parvint fut le nom du général Harding, prononcé avec un accent étranger que je reconnus tout de suite pour de l'italien. En prêtant l'oreille, j'entendis que le petit homme s'informait de l'adresse exacte du général. Je me serais bien proposé pour la lui indiquer, mais je reconnus que le chef de gare la connaissait parfaitement, et d'ailleurs, le train qui arrivait m'obligea de m'occuper de mes propres affaires. Précisément, en ce moment, je m'aperçus que j'avais négligé de prendre mon billet, et je me dirigeais en toute hâte vers le guichet. Je revins sur le quai juste à temps pour voir l'étranger sauter dans un cab et s'éloigner rapidement de la station. 10 secondes après, je m'asseyais dans un compartiment vide et un incident survint qui chassa l'homme noir de ma pensée aussi complètement que s'il n'avait jamais existé. Le coup de sifflet était donné et le train allait démarrer, lorsque le colossal chef de gare ouvrit la porte de mon compartiment en prononçant les mots sacramentels « Par ici, mesdames, par ici !» Le froufrou de la soie se fit entendre, accompagné d'exclamations d'impatience, et deux dames, escaladant la marche-pied, prirent place sur la banquette qui me faisait vis-à-vis. Fort occupé à couper les feuillets d'un numéro du Punch, je ne pus les dévisager au moment même de leur introduction. Quand je levai les yeux pour voir quelle sorte de femme le hasard m'avait donnée pour compagne temporaire, je reconnus qui ? Belle Ben Waring et sa mère. Le lecteur qui sait mes relations antérieures avec ces dames comprendra mon embarras. Jamais je ne m'étais trouvé dans une aussi fausse situation. Pour la conjurer autant que possible, je ne crus mieux faire que de recourir au Punch, que je me mis à parcourir avec acharnement. Nous avions à peine échangé une rapide inclination de tête, et un étranger, en considérant notre attitude mutuelle, n'aurait certainement pu se douter que Miss Mainwaring et moi, nous nous fussions déjà rencontrés, encore moins que nous eussions dansé l'un avec l'autre. Je lus le Punch de la première ligne à la dernière, et me rabattis ensuite sur les annonces, grâce à quoi je me familiarisais avec les vertus du savon de Gosnell et les mystères de la crinoline inflexible. Malgré ces études approfondies, je trouvais le moyen de risquer de temps en temps un regard en coulisses du côté de Miss Mainwaring, qui, à ma grande surprise, me le retournait avec toute la régularité désirable. Ce qu'elle lut dans mes yeux, je ne saurais le dire. Mais les siens lançaient des flammes qui eussent réduit mon cœur en cendres s'il n'eût été entouré d'un triple airain. Déjà, il avait failli se fondre sur l'ardeur de semblables regards, mais la froide expérience l'avait converti en acier, et je sentis avec plaisir qu'il ne tressaillait même pas. J'avais lu le Punch tout entier, dévoré 3 colonnes d'annonces et admiré, pour la 5e fois peut-être, les illustrations du satirique journal, lorsque le train s'arrêta à Reading. Mes compagnes de voyage descendirent. J'en fis autant. J'avais été invité à une fête donnée dans un parc du voisinage appartenant à une de mes connaissances. Les Mainwaring s'y rendaient également, ainsi que je m'en assurais la direction du cap qui les emporta. En arrivant à la résidence de mon ami, je les retrouvai sur la pelouse. Comme d'habitude, Miss Bell était environnée de béats soupirants, parmi lesquels, à ma grande surprise, je reconnus M. Nigel Harding. Pendant toute la durée de la fête, il s'abstint de lui témoigner la moindre attention particulière, et laissa ses concurrents papillonner autour d'elle. Mais il était évidemment sur des épines, et surveillait scrupuleusement chacun des regards et des mouvements de la jeune fille. Une ou deux fois, tandis qu'ils étaient seuls, je le vis lui parler à voix basse, l'éclair de la jalousie dans les yeux, les lèvres pâles et crispées. La fête se termina d'assez bonne heure, et les invités se séparèrent. Nigel accompagna Belle et sa mère à la gare. Ils étaient tous trois dans le même cab. Nous revînmes par le même train. Asluk, Nigel et les deux dames descendirent. De la voiture où j'étais resté, j'allais à Londres. J'aperçus le phaéton de Miss Mainwaring, le petit domestique se tenant à la tête du poney, et tout auprès un dog-cart avec un groom à la livrée des Harding. Les dames montèrent dans le phaéton, et Nigel s'établit sur le siège de derrière, tandis que le domestique allait prendre sa place dans le dog-cart. Les deux voitures, ainsi chargées, partirent juste au moment où le train démarrait. D'après ce que j'avais vu pendant cette journée, ce que j'avais entendu, sous le grand cèdre du Liban, et surtout ce que je savais du caractère des deux jeunes gens, je conclus avant mon arrivée à Londres que Belle Mainwaring était destinée à devenir la meilleure moitié de Nigel Harding, si ce dernier réussissait, d'une manière ou d'une autre, à obtenir le consentement de son père.